Vai, ci siamo. L'introduzione la facciamo dopo, Nick, non ti preoccupare. Chi è, chi non è. Vai. Vai, Sì. Chi parte? parti tu. Con che cosa? Come è andata la manifestazione Col sabato? sabato, sì, partiamo col sabato, anche il giorno dopo, le reazioni mediatiche, qual è appunto dopo sabato, che secondo me sono mezzo, cioè non è andata così bene sabato, mi aspettavo più gettito, Ok, però magari appunto è l'impressione mia da qua che è un po' di incazzo. d'accordo. Bonjour. Je ne parle pas, Bonjour. je ne parle pas vraiment français, je parle un peu et mal, d'accord? OK. Nous voulons partir et comment s'est passée la manif de samedi à Lyon? Oui? OK, d'accord. Oh, là, ça y est, c'est bon, on déroule? Oui. Oui? Ça marche. Donc la manifestation de samedi à Lyon. Je vais essayer de parler lentement comme ça pour que ça soit plus simple pour la C'est traduction. parfait. Donc la manifestation de samedi à Lyon. Donc elle a rassemblé environ 3 200 personnes. Donc des néo-nazis de toute obédience et de tout pays. Puisqu'on sait notamment qu'il y avait des néo-nazis qui venaient de Hongrie, donc voilà, de la Hongrie de Orban, où bah voilà, on sait très bien que le nazisme est particulièrement répandu. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une pétition en fait en amont de cette manifestation pour demander son interdiction, que à l'heure actuelle hein, en France, toute manifestation pour la Palestine ou manifestation antifasciste est soit interdite directement d'office, soit lourdement réprimée. Mais pour celle-ci, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ancien policier, a estimé qu'il n'y avait pas de risque de trouble à l'ordre public. Donc ça montre hein, tout à fait à quel point ces groupuscules agissent avec l'assentiment total des autorités. Les partis de droite que sont l'ancien Front National aujourd'hui Rassemblement National, Jordan Bardella avait appelé à ce que ces militants n'y participent pas, etc. Donc on voit que ce que j'appellerais l'extrême droite en col blanc essaye toujours de garder un peu ce vernis de séparation avec les groupuscules plus violents. Bien sûr, on sait bien qu'il n'en est rien. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le traitement journalistique qui a été fait suite à cette manifestation, puisque tous les médias, et pas que les médias, pas que tous les médias, pardon, pas que les médias de Vincent Bolloré, donc qui est ce milliardaire d'extrême droite, qui a acheté énormément de médias, donc dont on sait très bien, dont on connaît la ligne politique, mais même en fait les médias soi-disant donc nationaux, donc que sont voilà France Info, etc., ont tous dit oui, la marche s'est très bien déroulée dans le calme et le recueillement, etc., alors que en réalité, on a bien vu du coup des militants faire des saluts néo-nazis, crier des sales bougnoules, voilà, etc. Mais pour la presse bourgeoise, pour l'État, en fait, casser des vitrines, c'est plus grave que de faire des saluts nazis. Donc pour eux, voilà, le message est clair. Ils préfèrent en fait clairement le fascisme à l'antifascisme. Et ce rassemblement, il a eu vraiment, bah, il y avait un service d'ordre et la police qui les protégeait également. Et beaucoup de médias, en fait, n'ont pas eu le droit de se rendre à l'intérieur de la manifestation, mais étaient maintenus à l'extérieur de la manifestation. D'accordo. Merci. Vogliamo andare quindi con l'altra domanda sulla storia. Chiedo a te, Bizio, la storia del. Non ho capito benissimo la prima domanda. Non sei microfonato? E avevo staccato il microfono. Facciamo quindi un passo indietro e facciamogli raccontare poi Lyon e non soltanto, perché poi pure a Toulouse e Toulon non si andava passi. Però facciamogli appunto raccontare per Lyon e il cuore nero della Francia, perché poi è davvero anche geograficamente quella zona lì è abbastanza hardcore. quanto riguarda le presenze dei camerati. Ok. Peux-tu nous aider à reconstruire Lyon et les corps noirs de la France? Alors, tu veux dire pourquoi est-ce que Lyon est vraiment voilà le bastion de l'extrême droite en France? Oui. Oui. Alors, en effet, c'est vrai que il y a un vrai lien historique qui est très fort entre l'extrême droite et la ville de Lyon. Déjà, en fait, et ça remonte, on le voit à des siècles, puisque historiquement, il y a une très forte implantation de catholiques traditionnalistes en fait depuis la Révolution française. Donc depuis 1789. Donc on voit que ça remonte. Suite à ça, donc, je vais quand même faire un saut dans le temps, mais déjà bah, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, c'était un haut lieu de la collaboration. Et puis dans les années 70, en fait, la mouvance d'extrême droite, on va dire radicale, s'y est implantée durablement. Pourquoi est-ce que Lyon, c'est un bastion de l'extrême droite? C'est aussi en fait grâce à la prédominance, pardon, de pontes néo-nazis directement dans les universités. Donc on pense notamment à Lyon 3, où il y a eu... Et je n'écoute pas la plus. Quelle Pardon? est la cause? Je n'écoute pas la plus grosse. Tu m'entendais pas? Pas, ouais. Alors, à partir... Attends, là, tu Oui, m'entends? t'envoies la. Oui, Du mon thème. coup, ce que j'expliquais, je reprends depuis le début? Oui. No, no, no, dall'inizio, solo l'ultimo pezzo, penso che non si sia sentito. Giusto, lei ha chiesto se Sì, deve ha ripartire. detto. Oui, no, è solo le dernier pas, la La dernière dernière part. pas, oui. D'accord. Donc, ce que j'expliquais, c'est que l'une des raisons aussi qui fait que Lyon est un bastion de l'extrême droite, c'est que on retrouve vraiment des personnalités, voilà, vraiment néo-nazies, même dans les universités. Donc, on pense notamment à Lyon 3, l'université Lyon 3, où on retrouve voilà des personnes comme Bruno Gollnisch. Et il y a eu vraiment des négationnistes qui ont soutenu leur thèse dans cette université. Et donc, ils ont un lien très fort aussi avec les étudiants. Et les étudiants, on sait qui sont la masse de militants d'extrême droite. Et du coup, en fait, vraiment, les groupes violents prospèrent à Lyon depuis une vingtaine d'années avec vraiment l'assentiment des autorités qui laissent faire. En réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, hein, il y a uniquement les militants antifascistes qui leur opposent une résistance. Et donc, en fait, ça permet à l'extrême droite d'avoir pu ouvrir en fait des locaux, des bars associatifs, des salles de sport, etc. È ricaduta la linea. Sì. Je n'entends pas bien. Oui. Vous m'entendez pas bien? Pas bien, oui. Pourtant, je suis en Wi-Fi. Mais. Je vais essayer de mettre mes écouteurs, mais le problème, c'est que quand j'ai mis mes écouteurs, genre, pour moi, ça grésillait beaucoup. Donc, est-ce que... Là, j'ai mis mes écouteurs. C'est mieux ou pas? Oui. Oui, d'accord, j'ai mis mes écouteurs. Donc, ce que j'expliquais, c'est que cette proximité historique de l'extrême droite, enfin avec la ville de Lyon et les autorités, ça leur permet d'ouvrir vraiment des fiefs, d'ouvrir des locaux, d'avoir donc les bars associatifs, les salles de sport, et en fait chaque courant vraiment a son fief à Lyon. Alors, vraiment tous les courants qui peuvent être représentés. On pense voilà par exemple donc aux catholiques intégristes d'héritage, aux nationalistes de jeunesse Lyon populaire, etc. Et en fait, le fait qu'ils aient autant de lieux, de locaux en fait concrets, ça leur permet de recruter en masse puisque bah, les gens en fait se rendent à leurs soirées, se rendent à leurs conférences, vont à leurs salles de sport. Et même en fait, lorsque certains de ces lieux finissent par être fermés par les autorités, qui au bout d'un moment quand même ne peuvent plus fermer les yeux sur les violences qui peuvent avoir. No, c'est... Non, Claire. Pardon, vous m'entendez toujours pas? C'est la lignée est coupée, c'est Ok. tombée, je... oui. Mais c'est trop bizarre parce que moi je suis en wifi et ça me met que ça marche bien. Et moi je vous entends bien. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Maintenant, c'est bon. Toi, c'est bon? Ça marche, oui, maintenant, ça marche. Ok. Je reprends à partir d'où? Vogliamo fare Bah, la je re... parola dopo? Sì, Oui. allora, facciamo a che punto, allora, facciamogli raccontare allora, la strumentalizzazione fatta su questo omicidio e quanto appunto la controinchiesta è riuscita finora a disarticolare questa narrazione, questo racconto, quel che è. Perché poi appunto mi concentrerei sulla controinchiesta, quello che hanno costruito, che hanno scoperto e che hanno messo in fila, ecco, più che scoperto. Così chiudiamo su... Sì, Sei d'accordo? Poi non lo so, dimmi se sei d'accordo, se c'hai delle cose pure tu, sì, vai, va bene. No, stavo pensando forse fare, no, però va bene, facciamo così, ok? L'instrumentalizzazione du mort, no? Oui, ok. Oui, e delle trovate, delle contre-enquêtes, de contre-attaque, no? Ouais. Oui, merci. Ah, forse non ha capito la domanda, secondo me. Claire? Ci sei? Forse è caduta di nuovo la linea. Vediamo. Oui. Pronto? Ci sei, Claire? Oui, vous m'entendez? Oui. Nous voulons Oui. vous demander l'instrumentalisation Oui. du... Oui. Oui. OK. Donc ce que je dis, ouais. Donc ce que je disais par rapport à l'instrumentalisation, c'est que en effet, ça montre que l'extrême droite, elle attendait. Enfin, on dirait que limite, elle est bien contente en fait de la mort de Quentin Derenck. Dès le soir même de sa mort, on voit le narratif victimaire qui se met en place. Donc Alice Cordier, qui est la fondatrice de Némésis, elle est sur les plateaux télé pour dérouler son mensonge. Quentin Derenck aurait été tué en assurant son service d'ordre lors de leur happening en marge d'une conférence de Rima Hassan. C'est tout à fait faux, puisque donc Quentin Derenck était en fait dans un groupe qui tendait une embuscade à un groupe d'antifascistes à des centaines de mètres du lieu du happening. Mais c'est trop tard, voilà, le mal est fait, et les médias fascisés reprennent encore ce narratif. En fait, l'extrême droite, ce qui ça lui permet de... Niente, Claire. Vogliamo provare a cambiare, magari, non so, strumento di connessione? Ma sai perché? È perché Zoom registra. Un sacco d'altri strumenti non registrano. C'è il registratore interno, per questo ho proposto Zoom. Altrimenti, ecco, di Claire, ti risentiamo ora. Non Oui. ne t'entendo un po', pardon. Ah ouais? Mince. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas, j'ai parlé avec Fabrizio, che dici, come possiamo fare? Non lo so, perché il problema è che è come registrare. L'unica cosa Est-ce più... che, attends, Se est-ce no, che si moi facciamo je fais, così. sinon, si je fais un vocal en fait de mon côté, et que je vous envoie le fichier, peut-être qu'on Esatto, s'entendra. era quello che volevo proporre. Magari allora facciamo così. Fai un'altra domanda tu, poi ci facciamo rispondere con dei vocali che manda lei a me tramite Zoom, tramite Signal, così, e poi dopo ce li montiamo noi. Che ne pensi, Nick? Sì. Tu che cosa volevi chiederle? Così almeno metti tutto in fila. Guarda, io c'avevo, allora, come domanda stavo, cioè te la dico prima a te, poi capiamo, cioè, Sì. pensavo magari di chiederle una roba sul dibattito pubblico o Esatto, sì, politico. appunto, sono d'accordo, io pure interessava quello perché faceva parte tutto un po' del discorso della strumentalizzazione, quindi a che punto stava il dibattito pubblico anche dopo la controinchiesta, quello che era riuscito a smontare, ad esempio. Poi non so se c'hai altre curiosità, chiediamogliele e poi ci facciamo mandare l'audio e dopo ce lo traduciamo noi tranquillamente, dai, facciamo così. Ma che facciamo? Cioè, gliela faccio adesso la domanda Sì, o... fagliela adesso, dille così, dille, guarda, a quella domanda che ti abbiamo chiesto poco fa ci risponderai a parte, insieme a quest'altra, ecco, per dire. Così poi la possiamo salutare e e manda tutto a me via Signal. D'accord. Tu entendu moi, Claire? Oui, je t'entends. Oui? D'accord. Pardon pour ça marche Eh pas. ben non. D'accord. Le dernier demain, tu peux répondre avec un signal message vocal, non? Oui. D'accord. Oui. Une autre demande, c'est parce que nous voulons savoir une question sur les débats publics et politiques avec c'est ça. Ouais. D'accord? Ok. Donc je te fais deux vocaux pour répondre à ces deux questions. Ok. Et peut-être pure le altre, quelle che abbiamo fatto prima, le vogliamo rifare? Forse la prima in realtà era buona. Che dici, Bizio? Sì, anche secondo me la prima penso che alla fine gliel'ha fatta. Oui, d'accord. Seulement sur les derniers de ces derniers deux demandes. D'accord, ça marche. Je D'accord. vous envoie ça. Merci Et beaucoup. merci, grazie. Si vous avez d'autres questions, tu peux écrire et je ferai un vocal. OK? Merci. Sì, Merci. oui. Grazie, Merci. Claire. Allez. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sì, dai, va bene, secondo Dai, me facciamo facciamo così. così.